Troisième poème, pour les pauvres. La misère de l'hiver 1822-1830 avait été effroyable, et Victor Hugo a composé les strophes qui suivent pour soutenir une quête organisée au profit des indigents. Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Dans vos fêtes d'hiver, riches, heureux du monde, quand le bal tournoyant de ses feux vous inonde, quand partout, alentour de vos pas, vous voyez briller et rayonner cristaux, miroirs, balustres, candélabres ardents, cercles étoilés des lustres, et la danse et la joie au front des conviés, tandis qu'un timbre d'or sonnant dans vos demeures vous change en joyeux chant la voix grave des heures. Oh, songez-vous parfois que de faim dévoré, peut-être un indigent dans les carrefours sombres s'arrête et voit danser vos lumineuses ombres aux vitres du salon doré? Songez-vous qu'il est là, sous le givre et la neige, ce père sans travail que la famine assiège? Et qu'il se dit tout bas, pour un seul, que de bien, à son large festin, que d'amis se récrient, ce riche et bienheureux, ses enfants lui sourient, rien que dans leurs jouets, que de pain pour les miens. Et puis à votre fête, il compare en son âme son foyer, où jamais ne rayonne une flamme, ses enfants affamés et leur mère en lambeaux, et sur un peu de paille, étendue et muette, l'aïeul, que l'hiver, hélas, a déjà faite assez froide pour le tombeau. Donnez, riche, l'aumône et sœur de la prière. Hélas, quand un vieillard, sur votre seuil de pierre, tout roidi par l'hiver, en vain tombe à genoux, quand les petits enfants, les mains de froid rougies, ramassent sous vos pieds les miettes des orgies, la face du Seigneur se détourne de vous. Donnez, afin que Dieu, qui dote les familles, donne à vos fils la force et la grâce à vos filles, afin que votre vigne ait toujours un doux fruit, afin qu'un blé plus mûr fasse plier vos granges, afin d'être meilleur, afin de voir les anges passer dans vos rêves la nuit. Donnez. Il vient un jour où la terre nous laisse. Vos aumônes, là-haut, vous font une richesse. Donnez, afin qu'on dise, il a pitié de nous. Afin que l'indigent que glace les tempêtes, que le pauvre qui souffre à côté de vos fêtes, au seuil de vos palais, fixe un œil moins jaloux. Donnez, pour être aimé du Dieu qui se fit homme, pour que le méchant même, en s'inclinant, vous nomme, pour que votre foyer soit calme et fraternel. Donnez, afin qu'un jour, à votre heure dernière, contre tous vos péchés, vous ayez la prière d'un mendiant puissant au ciel.